Mardi, le 6 novembre 2012, c'est l'heure de l'aérospatiale. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue donc à cette émission. Vous aurez compris que ce n'est pas Julie Gagné cette semaine. C'est Jean-Pierre Gay qui est avec vous pour tout le mois de novembre. Je serai donc avec vous en espérant que très bientôt, notre amie Julie aura donné naissance à cette belle petite créature qui refuse de vouloir sortir, d'après moi. Alors voilà. Aujourd'hui au menu, nous aurons évidemment la revue de presse de Raymond Poirier. En entrevue, en première demi-heure, nous aurons Nicolas Lachance, qui est actuellement, dont le travail peut être vu à regard actuellement. Nous recevrons en deuxième demi-heure Samuel Breton, dont le travail peut être vu à la Galerie des Arts Visuels. Et nous aurons, comme à chaque semaine, une chronique. Cette semaine, ce sera Anouk Desloges qui va nous parler d'une exposition extrêmement léchée d'Elisabeth Picard chez Materia. On aura le calendrier. Et comme à chaque semaine, nous avons au bout du fil notre ami Simon Roy. Simon qui fait la sélection audio pour cette émission. Simon? Oui, bonjour Jean-Pierre. Ça va, Simon? Ben oui, de retour à tes vieux amours. Ouais, mais le rythme n'est pas tout à fait le même. Je perds des petits micros d'une minute, je suis pas tellement habitué à ça. Bon, mais on va s'y faire. Alors, ben oui, j'ai la bonne musique cette semaine pour les auditeurs. Un album que j'adore, c'est l'album Div Joy Vision. C'est par le duo Data Hore et Michael Dent. Data Hore, un artiste de l'Angleterre, un bidouilleur de toutes sortes de musique électronique, avec Michael Dent, un artiste de la ville de Toronto, qui anciennement était dans un groupe punk, donc il était beaucoup en tournée, a joué avec des dieux du punk, donc un personnage quand même assez important dans la sphère musicale. Est-ce que ça transparaît dans son travail un peu? Oui. Puis Michael Dent, il est vraiment versatile. C'est aussi un écrivain, un photographe, cracheur de feu, donc un drôle de type. Puis ben ça se reflète dans la musique. Avec Data Hore, c'est complètement pété comme album. On pourrait qualifier ça d'un peu de noise, musique concrète. C'est surtout collage audio. Ouais, ben j'écoutais un peu aujourd'hui, là, je suis allé voir les pièces que tu vas faire jouer, là, puis j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté noise dans son travail. Oui, c'est ça, c'est toutes sortes de sources, on peut entendre des trucs qui viennent de la TV, du cinéma, toutes sortes d'influences, c'est vraiment assez déroutant comme album, donc j'ai choisi quatre extraits pour l'émission. Ça, c'est publié sur l'étiquette anglaise Electronic Music. Ben, on va écouter la première, Simon, qui s'intitule The Black Hawks. The Blacks, tout simplement. Oui, The Blacks. Ben, merci. Ben, merci, puis bonne émission. Merci. Alors, voici The Blacks. Sentimental Hardware. C'était donc de Data Hore et Michael Dent. On se croirait à la croche-oreille, Raymond. Ben, bonjour, Raymond Poirier. Bonjour. Alors, comment va ça? Comment ça va, nos nos revues de presse cette semaine. Bien évidemment, on est calé avec l'actualité. On a beaucoup parlé de Sandy au fil des nouvelles, au fil des médias. Ouais. Évidemment, New York depuis 2001, depuis le 11 septembre, il y a eu beaucoup de programmes d'embellissement de la ville qui ont été mis en place, développer l'art public entre autres. Et évidemment, avec l'ouragan, eh ben, il y a aussi des conséquences donc pour l'art public. Et je suis tombé notamment sur un article du Guardian qui détaille bien, dans le fond, l'impact que ça a pu avoir sur donc certaines pièces, certaines œuvres qui étaient notamment en hauteur dans des parcs. Il y en a certaines qui ont pu être retirées, entreposées, mais il y en a d'autres qui ne sont pas, dont on n'est pas en mesure de déplacer, donc qui ont simplement été protégés, qui ont pu être endommagés. Également, on fait état du secteur de Chelsea, qui est le secteur des galeries d'art de New York, qui a subi aussi beaucoup d'inondations, donc certaines galeries qui ont été remplies d'eau de manière assez importante. Certaines gens qui avaient choisi d'entreposer des œuvres dans certaines parties de leur galerie qui finalement ont été surpris par la quantité d'eau qui était beaucoup plus grande que prévu. Alors vraiment, un beau petit survol de l'impact donc de l'ouragan sur le milieu des arts new-yorkais. Ça, c'est dans The Guardian. Dans The Guardian. Okay. Et on fait le saut, d'ailleurs, puisqu'on parle du marché de l'art au sens large, Jean-Pierre. J'aime bien quand il y a des sorties importantes et des gens qui questionnent un peu et qui soulèvent des idées et des réflexions. Et notamment, il y a un critique d'art américain qui s'appelle Dave Ickey, un critique extrêmement réputé. Il a 71 ans, il a fait une grande carrière dans le milieu et il est rien de moins que dégoûté par le marché de l'art. Ouais. En fait, ce qu'il dit, c'est essentiellement qu'on investit dans l'art aujourd'hui comme on investit dans la bourse, comme on investit dans des hedge funds. On investit plus ou de moins en moins pour la valeur artistique d'une œuvre. On investit pour la valeur marchande. Pour le rendement. Et il dit, regardez, on peut pas réduire l'art à sa valeur marchande. C'est petit de faire ça. Effectivement. Et donc, lui, qui questionne justement le type d'investisseur qu'on retrouve justement dans ce marché-là. Il n'y a pas tout à fait tort, parce que je sais qu'il y a encore ici des gens pour qui l'art est un placement. Et c'est dommage, effectivement, parce que ça amène des artistes à surperformer et ça en amène d'autres qui ont une grande valeur artistique à sous-performer, selon lui. On fait le saut lauréat du prix Paul-Émile Bordua 2012 qui a été annoncé. C'est John Edward, donc un artiste montréalais. Qu'on a eu l'occasion de voir au musée, justement. Exactement. Il y a deux ans, je pense. C'est possible. Oui. C'est possible. Une longue carrière et assez large, d'ailleurs. Ce qui est intéressant dans l'œuvre de Monsieur Edward, 40 ans, donc, il a pratiqué comme un acteur de premier plan sur la scène des arts visuels, dans le domaine de la performance, dans le domaine de la musique improvisée, de notamment l'art audio. Alors, c'est vraiment son domaine principal de prédilection. Et ce qu'on dit, en fait, dans le texte officiel, c'est qu'il a largement contribué à redéfinir l'œuvre d'art à travers ses modes de représentation et de réception. On parle de formes librement esquissées, des traces qu'il impose à la matière brute, qui est le vinyle, rayonne, toile, papier, bronze, acier, aluminium. Donc, il accomplit une œuvre de rigueur sans aucune concession à la complaisance, tributaire de sa volonté fondamentale d'éprouver les limites du conscient et de l'inconscient. J'aimais bien la description. C'était tout un personnage. C'est tout un personnage, Monsieur Edward. Tout simple. Par contre, tout simple. Hein, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au musée. C'est quelqu'un qui faisait son travail. On n'aurait pas dit qu'il avait cette envergure, donc qu'on lui connaît. Et j'ai l'impression que ces éléments-là mettent encore plus la personne de l'avant. Et quand on découvre justement qu'il y a une humilité derrière son travail et que l'homme n'est pas, disons, empreint de l'ampleur que son travail lui a pris, donc il réussit à créer cette distance-là. Je trouve ça bien. Moi, j'aime bien. Oui. Et deux petites dernières avant de se laisser. Notamment, en fait, petite annonce, ça concerne le milieu des arts en général. On parle de la Conférence canadienne des arts qui a fermé ses portes. En fait, le financement a été coupé par le gouvernement fédéral. Ça fait partie de la stratégie de divertissement du gouvernement conservateur à Ottawa. Là. Exactement. Pour qui la culture, c'est d'abord un divertissement. Donc, l'art, c'est très loin du divertissement pour eux. Et qu'est-ce que c'était, en fait, la Conférence canadienne des arts? Eh ben, en fait, on parle d'un mandat de promotion au niveau fédéral des intérêts des artistes et de la culture canadienne au sens large. Donc, l'idée était de fournir un forum national où seraient débattus les enjeux d'intérêt commun et où seraient harmonisées également les interventions. Donc, pour pouvoir dire, regardez, on représente le milieu des arts. Eh ben, c'était un forum donc qui réunissait l'ensemble des intérêts où les choses, les politiques, les propositions pouvaient être discutées, réfléchies, amenées, proposées et avec évidemment des gens de différents domaines. Ça avait été fondé en 1945, cet organisme-là, par un groupe d'éminents artistes. On pense notamment au peintre Laren S. Harris du groupe des Sept. Groupe des Sept, oui. Donc, ça montre quand même aussi l'ampleur des gens derrière cet organisme-là. Eh bien, voilà. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'organisme a été laissé en dormance. On verra si, éventuellement, il y aura un financement qui sera obtenu pour relancer cet organisme-là. Une petite dernière, en fait, si vous avez l'occasion, si vous avez un iPad, un iPhone, il y a une application sur laquelle je suis tombé qui s'appelle Pompidou Kids. C'est une application pour faire découvrir l'art contemporain aux 12 ans et moins. Mmh. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que, ben, on s'en va avec, des œuvres de Calder, d'André Breton, de Severini. Donc, vraiment, en fait, c'est de la collection plus moderne, en fait, du centre Pompidou. Et l'idée, c'est de créer des jeux, des casse-têtes, des jeux de coloriage et autres, mais à partir d'œuvres de cette tranche de l'histoire de l'art. Donc, dans l'idée, évidemment, d'amener les jeunes à s'intéresser à cette histoire-là, de créer des repères, des reconnaissances. Alors, l'application s'appelle Pompidou Kids. Ben, merci beaucoup, Raymond Poirier. Ça c'était fort intéressant, comme toujours, d'ailleurs. Et les hyperliens seront sur le blog dès demain, l'aérospatiale.wordpress.com. Alors, on s'en va en pause audio, toujours avec le duo dont nous a parlé Simon Roy. Voici maintenant une pièce qui s'intitule « When I Die ». Et au retour, nous aurons Nicolas Lachance. Beautiful funeral, everybody. Alors, Nicolas Lachance, bonsoir. Bonsoir. Nicolas, j'ai eu l'occasion, rappelons tout de suite que, soulignons tout de suite que, il y a une exposition qui s'intitule Espace lisse et lieu brut, qui est présentée chez Regard jusqu'au 2 décembre. Donc, une exposition dont le vernissage a eu lieu la semaine dernière. Et c'était la première fois que j'étais en contact avec ton travail. Mmh. J'ai donc eu l'occasion d'apprécier beaucoup ce que j'ai vu chez Regard. J'ai senti que dans le travail qui était présenté, qu'il y avait comme une cohérence dans ce qu'on voyait. On est dans l'art abstrait en partie. Et il y a une cohérence dans le travail. Il y a des pièces qui se répondent. Il y a des pièces qu'on a l'impression de retrouver dans certaines œuvres. Il y a donc une stratégie, une cohérence, un projet, je dirais, comme global dans cette exposition-là. Vous dites art abstrait. Je crois qu'on a les deux. Vous faites référence à une pièce en particulier. Je crois qu'on a les deux. En fait, on a formellement un déploiement dans l'espace qui nous remet en question par rapport à la figuration, par rapport à l'abstraction. Mm-hmm. Mais formellement, il y a quelques pièces qui peuvent paraître abstraites, mais qui ne le sont pas en réalité. Mm-hmm. Alors, le titre d'abord, Espace lisse et lieu brut. Ouais. Brut, ça fait référence à un une école de peinture ou d'art de l'après-guerre. Non. Non? C'est pas celle-là? Non. Non. Dans mon travail antérieur, je faisais référence au brutalisme anglais, mm-hmm. qui est un courant d'architecture qui a vu le jour en 1946. Okay. Bon, après espace lisse et lieu brut, oui, une certaine forme de brutalité, brutalité en termes formels, en termes de surface. Mm-hmm. Donc, mais sinon, cette expo-là fait pas nécessairement référence à ce courant okay. d'architecture-là. Mon travail précédent, par contre, oui. On avait des façades de building, on avait finalement... Le tableau était abordé comme un fragment d'immeuble. D'un immeuble, OK. Oui. Puis, donc, il y avait un aspect architectural. Un oui, peu. Tout à fait. Et ces immeubles étaient de courant brutalisme. Mm-hmm. On est, il y a une pièce qu'on ne peut pas manquer, qui je dirais, au cœur de cette exposition-là. C'est une, moi j'appelle ça une mosaïque, mais je pense que c'est pas une mosaïque. Il y a une pièce qui est formée de 37 petites pièces qui forment une sorte de crescendo, tant au plan de la lumière que de la densité, de l'épaisseur des œuvres. Il y a comme un crescendo. C'est ça s'appelle comment déjà cette œuvre-là? C'est Waiting for the Light. Waiting for, bon, il y a le mot light là-dedans. Ouais, ouais. Elle est arrivée comment? C'est parle-moi un peu de ce projet-là. Le mur de l'atelier absorbait autant les résidus de peinture, parce que le mur était utilisé comme, bon, quand je travaille, le mur est utilisé souvent comme palette pour absorber l'excédent de, okay. de matière sur mes pinceaux. Et puis là, au fil des années se forment des traces, une accumulation de matière mm-hmm. que je repeins en blanc régulièrement, mais tout de même ça laisse des cicatrices. Donc je voulais faire une empreinte de ces cicatrices-là, mais également je voulais faire une empreinte lumineuse, donc la lumière du jour qui tombe sur le mur. Je cherchais une façon de relever, donc à okay. la fois une empreinte matérielle d'un lieu qui est particulier aussi, c'est l'atelier. Et le temps qui passe, donc le soleil qui se couche, que j'ai documenté en photo argentique. Et puis à partir de ces photos argentiques-là, qui ont été prises dans une séquence de X... Exactement. De un coucher près, de soleil, ouais, quoi, une coupe d'heure. Ça, exactement, à peu près sur une heure ou une heure trente, où j'ai eu le temps de tirer un film de 37 mm-hmm. poses, et puis j'ai transféré après. Simplement, chaque tableau est un cliché. Mais donc, aussi, c'est comme un moment du coucher de soleil, c'est la lumière qui reste après le... quand le soleil se couche, quoi. Et aussi... un fragment du mur. OK. Donc, il y a une question de présence, mais qui est absente. Mm-hmm. En fait, c'est une présence par l'absence. Mm-hmm. Ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est la première œuvre qui m'a vraiment comme accroché dans l'exposition, on sent cette espèce de progression vers le noir à partir d'une espèce de gris qui est plus pâle puis qui se fonce tranquillement. Il y a cette espèce de mouvement-là qui est quasiment temporel. On dirait qu'il y a comme une séquence de temps là-dedans, et ça, je savais pas ce qu'on vient de se dire. Donc, on sent qu'il y a comme il y a du temps qui passe devant nous. Jusqu'à la réflexion. Mm-hmm. En fait, les trois derniers tableaux sont au moment où le soleil se couche et il manque de lumière mm-hmm. Naturelle dans l'atelier. Moi, j'ai une petite source lumineuse. Et puis là, il y a interférence. Parce que les photos sont prises à travers une fenêtre. Mm-hmm. Bon. Et puis là, il y a reflet. Les trois derniers, c'est trois tableaux qui sont noirs et polis. Mm-hmm. Donc, on a réflexion de l'espace chez regard et de l'éclairage qui interfèrent, en fait. Les trois derniers ouvrent sur une disparition formelle de la lumière, mais aussi de l'objet. Mm-hmm. Parce que le cadre, le châssis est moins épais. Donc, s'il y avait un autre tableau, ça serait quoi? Peut-être une acétate. Et peut-être un trou dans le mur, mm-hmm. éventuellement. Parlant de trous dans le mur, il y a aussi dans chacune de ces 37 fragments, ouais. il y a aussi des trous là-dedans, qui sont faits sur la toile. Voilà. Quand on voyait le communiqué de presse ou l'affiche de l'exposition, on avait l'impression que c'était des taches de peinture noire qui étaient là, mais quand on voit l'œuvre de près, c'est des trous, il y a des incisions qui ont été faites dans la toile même. Par l'empreinte du mur, parce qu'il faut savoir que la toile n'est pas apprêtée sur son châssis, elle est apprêtée directement au mur. Donc, ces résidus de matière que je parlais fait en sorte que ça laisse un... À force, moi, je mets beaucoup de gesso, je mets après une vingtaine de couches de gesso, un après, et puis je sable entre chaque couche. Et puis, si la cicatrice est assez importante, ça va faire un trou. Mm-hmm. Donc, ce qui est troué dans la toile, dans le fond, c'est comme aussi un négatif. On pourrait voir ça comme un négatif du mur. C'est le retrait du mur. Mais sur l'image, le noir domine, puis on dirait qu'il flotte. On dirait qu'il est en surface. Exact. On dirait que c'est une tache, on dirait que c'est une brûlure. Ça, c'est la grande œuvre. Face à ça, à l'autre mur, pour les gens qui sont habitués chez Regard, la galerie est faite en L. La toile, l'œuvre dont on vient de parler, elle est sur le côté gauche en entrant. Mm. Et à l'extrémité, au bout du L, si je peux dire, il y a une immense toile aussi, qui, elle, est plus et moins abstraite, disons. Qui est finalement une représentation d'un espace industriel désaffecté dans lequel il y a une série de panneaux noirs qui pourraient avoir l'air de monochrome noir qui sont tous à côté au mur. Donc, l'espace industriel représenté dans le tableau est un peu comme l'espace chez Regard. Mm-hmm. C'est le dernier tableau qu'on découvre. Et virtuellement, c'est une fenêtre qui prolonge la galerie et qui forme un carré. Le carré étant présent dans l'exposition sur plusieurs formes quand même, dont Waiting for the Light. Il y a d'autres projets aussi que le carré est là formellement. Mm-hmm. Donc, je trouvais assez drôle de d'avoir un L chez Regard et puis d'avoir cette possibilité de soulever ou faire référence à cette bonne vieille fenêtre sur le monde en peinture. Mais je le fais dans une optique de peut-être de spéculation. C'est une forme de spéculation dans le sens où si c'est le dernier tableau qu'on rencontre et puis on nous ramène virtuellement au début. Au début, c'est comme s'il y avait un retour aux sources. Au point de départ. Au point de départ. Et puis, donc, je pose la question, j'essaie de poser la question au spectateur. Regardez ce qui vous entoure, parce qu'il y a possiblement, vous avez peut-être passé trop vite, ou encore, les tableaux se répondent entre eux. Les tableaux sont contenus. Il y a des tableaux qui sont contenus dans d'autres. Donc, il y a des effets de miroir, littéralement, entre certains tableaux. Justement, cette série de tableaux, qui ont l'air d'être une série de tableaux noirs de très grand format, il y en a un qu'on voit juste avant d'arriver dans ce L-là. Il y en a un immense tableau noir qui fait 8 pieds par je ne sais pas trop combien. C'est à peu près les panneaux qu'on voit dans la peinture. On a l'impression qu'il y a comme une répétition de ce tableau-là dans la grande toile qu'on Exactement. Voit. Exactement. Puis ça, c'est le premier à droite en rentrant. Et puis ce tableau-là, dans le fond, on pourrait se dire, est-ce que j'ai pris ce tableau-là? Est-ce que je l'ai placé dans une pièce? Et puis... par un moyen quelconque, comme Photoshop, par exemple, j'aurais répliqué ce tableau dans l'espace, puis pour le peindre. En fait, c'est un problème relativement simple. Ce qu'on regarde, est-tu finalement une illusion ou c'est l'objet? Donc, il y a disparition de l'objet dans l'exposition. Il y a beaucoup de tableaux qui font référence à ça. En fait, l'objet qui se retire et laisse une trace, ou l'objet qu'on n'arrive pas vraiment à nommer, à percevoir, comme la médaille militaire, le petit tableau noir, ou encore la couronne de fleurs mortuaires. Ça, c'est particulier aussi, cette couronne de fleurs. Elle est pas en apparence, on la voit pas. Il y a un filtre par-dessus qui vient interférer la lecture de l'objet, du sujet. Donc, ce grand panneau dont vous parlez de 8 pieds par 4 pieds, peut être contenu virtuellement aussi. Et il est contenu virtuellement dans le tableau qui prolonge et qui boucle la boucle chez Regard. Oui, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une série de ce tableau-là qui a été faite. Donc, on le revoit. Il y a aussi d'autres œuvres, parce qu'on en a, j'en ai compté, c'est 8, je pense, c'est 8 œuvres plus cette grande... Une bonne dizaine, dont la pièce de 37, il y a un diptyque, mais c'est pas trop chargé. Non, c'est aéré, puis je pense que ça se travaille, ça se vit bien comme ça aussi. Il y a une œuvre qui est assez particulière, tout est assez quadrilatère, je dirais, où tout est assez linéaire dans les choses, ou je dirais géométrique, mais il y a une œuvre à la qui ça m'a pris du temps avant de l'avoir, qui est comme une espèce d'effet miroir, on dirait une boule de crème glacée qui est photocopiée en deux morceaux. Ouais. Quelle est la place de cette œuvre-là dans l'ensemble qui est là? Le titre de la pièce dont vous parlez, c'est Burn Twice. Okay. C'est un livre brûlé, en réalité. C'est un livre qui a été brûlé, mm-hmm. que j'ai récupéré, que j'ai scanné. Donc, par la brûlure, déjà, on a du mal à le lire. Oui. Et puis, par le scan, ça fait une surexposition lumineuse. Donc, on a une double brûlure, si on veut, par le feu et par la lumière. Par la lumière. Et puis après, tout ce que j'ai fait, c'est simplement, j'ai fait un effet miroir mm-hmm. pour ouvrir le tableau en diptyque. Donc, à gauche, on a le livre brûlé. À droite, on a la réplique en miroir, simplement. Et puis, ça m'amusait quand même de voir un livre brûlé en tâches de les tâches en psychologie, les tâches de Rorschach. Ben oui. Donc, on a cet effet. Mais la lecture de ce tableau-là peut être très ambiguë. Mais on voit une portion d'écriture et ça nous donne un peu la clé dans le sens où ça nous révèle l'échelle mm-hmm. de l'objet qu'on regarde. Sinon, on pourrait facilement se perdre dans de quoi de plus organique. Ben, oui, c'est ce que, moi, au départ, c'est ce que je voyais, quelque chose qui était très organique. J'avais l'impression d'être face à une espèce de boule de crème glacée en gros format. En somme, ben, écoutez, c'est Étienne, on a des gens. Nicolas, on est déjà rendu à... Je parle d'Étienne Lafrance avant l'émission. On est rendu à la fin. Ben, merci beaucoup d'être passé. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que cette exposition, elle est chez Regard jusqu'au 2 décembre et qu'il y a aussi des activités le 2 samedi, le 3 et le 17 novembre où les enfants de plus de 5 ans et leurs parents sont invités à aller faire des travaux, des ateliers qui vont porter sur l'exposition. Ah bon? Bon, ben, c'était un plaisir. Je vous remercie. Mais merci beaucoup, Nicolas, d'être passé chez nous. On s'en va en pause publicitaire, Jacques, ou en pause audio? Pause publicitaire. Et au retour, ben, nous aurons le topo de Anouk Desloges. Le gala de CKRL est de retour pour une 5e année et c'est maintenant le temps de voter pour vos émissions favorites. Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca et votez. Les émissions ayant récolté le plus de votes seront soumises à notre juré. Les gagnants seront dévoilés le 30 novembre prochain. Vous avez jusqu'au 19 novembre. Un seul vote par jour sera comptabilisé. C'est maintenant à votre tour de vous faire entendre. Bienvenue au bulletin de nouvelles du 4 octobre 1957. L'écrivain et scientifique Isaac Asimov prévoit l'ouverture d'une brasserie coopérative de travail dans le quartier Saint-Roch à Québec autour de l'année 1997. À l'étranger maintenant, c'est le début de la conquête spatiale avec le lancement de Spoutnik 1. Un reportage de Michel Marcoux en direct de Baïkonour. Le lancement de Spoutnik 1. Merci Michel. Nous vous avons présenté le Radio-Journal. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. Burlesque-Aculaire vous invite au voyage. Burlesque-Aculaire, le cabaret burlesque de Québec, vous convie à son tout nouveau spectacle Burlesque-Aculaire autour du monde. Venez célébrer les feuillages coquins avec des numéros inédits qui vous feront visiter les destinations les plus exotiques du globe. Burlesque-Aculaire, près de 40 artistes multidisciplinaires de Québec. Sur scène le vendredi 9 novembre à l'Impérial, 21h. 418-523-3131 ou impérialdequebec.com. Le 9 novembre, le Cercle fête son 5e anniversaire. Une soirée à temps multiple à l'image du Cercle. Serez-vous dans un resto, une salle de spectacle, une galerie d'art, dans une installation immersive ou tout simplement dans un lieu où il fait bon vivre et échanger? Pour le savoir, rendez-vous au Cercle le 9 novembre et rejoignez la faune des artistes et DJ mettant en vedette Radio-Radio. Entrée 10$, venez vivre le tourbillon dès 18h. le-cercle.ca. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. lebaldulezard.com. ça c'est un thème qu'on connaît. Alors, merci Maître Jacques, vous aurez reconnu le thème de l'aérospatiale. C'est toujours Jean-Pierre Gay qui est avec vous ce soir en remplacement de Julie Gagné. Et j'ai eu le saut tout à l'heure, en début d'émission, d'avoir un nouveau thème que je ne connaissais pas. Et c'est une autre création de notre ami Jacques Gignac, ici, là, qui est prolifique. Anouk, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Anouk Desloges, t'es allé voir une exposition que j'ai eu aussi le plaisir d'aller voir à la Maison Matéria, au Centre Matéria. Oui, c'est ça. D'Élisabeth Picard. Son exposition s'intitule « Structure modulaire, flow et construction 3 mm-hmm. ». Alors, ça, c'est... Élisabeth Picard, elle a décidé de travailler avec un matériau assez particulier. Oui, absolument. Elle a décidé de travailler avec le tie wrap, communément appelé. C'est l'attache-serre, quelque chose... Écoutez, j'ai décidé de même pas... dire le terme en français pour qu'on se comprenne. Donc, c'est un tie wrap. Et puis, j'aimerais ça parler d'elle en premier. Oui, hein, qu'est-ce qu'on s'en dit? Parfait. C'est pas humaine. Parfait. Ben, Élisabeth Picard, c'est une artiste montréalaise. Mm-hmm. Elle est définie comme une artiste de la fibre. Elle s'intéresse beaucoup aux lois de la physique, tout ce qui en résulte. En fait, c'est beaucoup, comme on pourrait dire, le concept de l'univers comme une somme de lois, de phénomènes naturels qui ont une incidence sur l'environnement. C'est-à-dire que donc, c'est à la fois quelqu'un qui travaille la matière, mais qui a aussi une préoccupation environnementale. C'est pas banal qu'elle ait fait ce choix-là. Bien, environnementale, un peu phénoménal, je dirais, là, dans les mathématiques, de une chose engendre l'autre. C'est des phénomènes de croissance, des transformations qui génèrent des structures complexes. Donc, quand on parle d'environnement, c'est plus dans ce sens-là. Okay. Parfait. Oui, parce que je trouvais ça un peu particulier. C'est pas de la récupération, parce que finalement, avec autant de ces tie wraps-là, là, on n'est pas dans la récupération beaucoup. Là. Non, pas du tout. C'est un matériel de base. C'est un matériel de base, exactement, qu'elle accumule à outrance, comme on va le voir. Là. C'est absolument épouvantable comment il y en a des milliers. Des millions. Et des millions, absolument. Parce qu'elle travaille beaucoup, elle est dans des sphères d'activité très complémentaires, à la limite des métiers d'art, des arts visuels, du design. Puis aussi, avec ces objets-là, qui est des tie wraps, elle fait des formes organiques. Donc, elle prend des matériaux de l'industrie de masse industrielle puis de construction. Autre que les tie wraps, elle travaille avec le carton, le papier ondulé, les contreplaqués, tuyaux PVC. Mais pourquoi les tie wraps qu'elle a choisi dans cette exposition-là? Parce que c'est l'exposition. Oui. Celle-là, c'est le tie wrap essentiellement. Exactement, exactement. Elle s'intéresse aux propriétés physiques et mécaniques. En fait, la fonction première du tie wrap, c'est d'attacher, mais on peut aussi les assembler, les transformer, les tordre. Mm-hmm. Puis sa couleur blanche qu'elle a choisie, maintenant on les a dans toutes les couleurs multicolores pas possibles. Elle a choisi la couleur blanche semi-translucide parce qu'avec la lumière qu'elle utilise, le résultat final est extrêmement loin du banal. Mm-hmm. C'est vraiment, vraiment lumineux, le plastique qui capte la lumière. Donc, quand on arrive à Matéria, première des choses, on n'a pas cette lumière-là dont je parle, parce que c'est dans les deux grandes vitrines. Il y a environ deux grandes pièces de 4 pieds par 6 pieds. C'est monumental. Oh oui. Oui, il y a un motif qui est répété ad nauseam, là, comme une tapisserie. Exactement. On dirait un macramé géant. Oui, un macramé géant. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Un rideau, c'est vraiment monumental. Puis, si on passe vite, on ne se rend pas compte que c'est des tarots. Donc, c'est vraiment... Tout de suite, on a le goût de rentrer, on rentre. Il y a quelque chose qui fait penser au travail de Diane Landry dans ce qu'elle fait. Tu sais, elle utilise un matériau qui est pauvre, parce que tie wrap, dans le fond, c'est pas un matériau qui est très noble. Non. Puis elle l'utilise ad nauseam. Elle en a une quantité phénoménale. Puis ça fait des beaux petits motifs aussi. Absolument. Mm-hmm. Absolument. Puis elle les utilise de différentes manières qu'on voit dans les... parce que celui-là, il est utilisé, avec le rideau, mais à l'intérieur, avec la lumière, ça donne complètement autre chose du matériau banal qu'on voit. Donc, on rentre dans un grand corridor, puis dans la salle, c'est noir, presque, à part les grands fluorescents. Moi, je sais pas si c'est un hasard, il y avait la musique de Sigur Rós en plus, quelque chose de super planant. Mais ce qui est particulier aussi, quand on est à l'extérieur, étant donné que cette espèce de simèse qui est installée vis-à-vis la moitié de la vitrine... On voit pas du tout. Il y a une première œuvre qu'on voit mal, l'autre côté, on la voit mieux. Il y a comme une différence de perspective dans les deux, dans les vitrines. Oui, mais c'est vraiment différent, les deux. Avec la lumière dans la noirceur ou pas, c'est des objets de tie wrap qu'on pourrait dire que s'il n'était pas dans cette mise en scène-là, si on le mettait sur, par exemple, la table de l'atelier, ça pourrait être, tu sais, les petits objets qu'on considère comme des maquettes, ça pourrait être des objets très banals, dans le fait. Mais quand on les voit avec toute la mise en scène, quand on voit la grande table en rentrant, il y a une grande table à environ une vingtaine de petites sculptures qui sont... Puis là, on dirait qu'elle nous montre un peu, bon, voici ce que je fais avec. Je les entortille, je les assemble, je les fais de telle façon. Des fois, ça ressemble à des araignées, des fois des squelettes, ça ressemble à plein de choses. Puis ensuite de ça, on continue. Il y a 6 dessins au mur. Mmh. Et puis là, c'est des dessins avec des triangles, avec une modulation. Ça ressemble beaucoup à l'univers. Fait que c'est comme si elle nous expliquait un peu sa recette. Au début, elle nous montre, bon, là, je les tords, tu le quittes. Puis là, j'en fais plusieurs. Parce que là, c'est des triangles qui grandissent. Puis on voit quelque chose qui a l'air de 3D, on dit plus sculptural. Donc, j'ai l'impression que les deux premières pièces, c'est un peu la recette. Là, tu parles de celle qui est à droite quand on arrive, qui a l'air d'une petite un survol de montagne, non? Non, à gauche, je parlais des dessins. Okay. C'est ça. Il y a les petits objets qui sont tordus de tous les côtés, tous les bords, tous les côtés. Et puis, c'est les dessins gauche qu'on voit, là, qu'on dirait qu'elle nous montre qu'est-ce qu'elle fait. Ensuite, au mur, c'est trois formes. On dirait des nids d'oiseaux, ou des molécules, ou des, à la limite, des bactéries. Ça a l'air des espèces de corps aquatique qui vit dans le fond de l'eau, de petites bébites, des écrevisses ou quelque chose du genre. Exactement. Mais j'ai trouvé dans toute l'exposition qu'avec la lumière qui reflétait dans le plastique, que ça avait l'air d'être... On était dans le fond d'un abysse. Mmh. Et puis, c'était les planctons qu'on voyait. Parce qu'elle fait référence beaucoup au paysage, à la nature, tout en prenant un matériau qui est extrêmement loin de ce qui est organique ou ce qui... Malléable, cependant. Ce terrain-là, il est malléable. Elle peut faire toutes sortes de formes avec ça. Mais elle s'intéresse vraiment au procédé, pas au procédé, mais je dirais les qualités. Elle se dit, bon, le tie wrap, il est flexible, je peux l'attacher ici. Et puis, c'est un amour de la matière. Elle l'utilise à outrance. Puis non seulement, elle le décontextualise, dans le fond, on sort de la quincaillerie, mais ces objets-là deviennent autre chose complètement. Ça devient une symbiose entre la technique, la répétition, l'accumulation. C'est vraiment impressionnant comment qu'elle travaille. Est-ce que tu sais si elle travaille seule ou si elle a des gens qui viennent l'aider? J'ai aucune idée. Ça, c'est son travail de maîtrise. Mm. C'est des œuvres qui accompagnaient sa recherche de maîtrise. Parce que je pensais un peu à Paris Martin, tu sais, qui avait fait du quilting à un moment donné. Oui. Et Paris invitait des gens à venir l'aider à créer ses motifs parce qu'elle en faisait des quantités industrielles. Exactement. Moi, j'ai dit peut-être que elle fait ça aussi avec d'autres, non? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Puis souvent, je trouvais que dans l'exposition, on faisait beaucoup de comparaisons parce que ça évoque des choses. Ça évoque, par exemple, comme on parlait de celui-là qui s'appelle Flo, qu'on dirait c'est à peu près 15 000 tie wraps qui sont attachés à un grillage, à un filet. Mm-hmm. Puis de la manière que le tie wrap se courbe, tu sais, en le déposant, mais on dirait le dessus. C'est difficile. On a l'impression d'être en vol aérien au-dessus d'une vallée ou d'une petite chaîne de montagne. Oui. Exactement, une chaîne de montagne ou de l'eau. Ronde. De l'eau aussi, puis ça s'appelle flow en fait aussi. Ah, c'est vrai. Aussi. Oui, ça s'appelle flow. Puis moi, je voulais, des fois, j'aime ça sortir de, ça me fait penser à ci, ça, j'aime ça plus me laisser emporter, comme on dirait, par l'œuvre, par ce qu'elle est, sans faire référence à toujours une chose. Par contre, elle, dans sa démarche, puis dans son approche, c'est vraiment quelque chose de méditatif de l'univers et du paysage et des mouvements, de l'organisme qui se développe. Ça fait vraiment partie intégrante de son travail. Donc, je me suis laissée aller... Il y a certainement quelque chose de méditatif de faire un travail comme le sien parce que il faut répéter à nos âmes des motifs, des formes. Il y a un travail qui est d'une extrême patience dans ce... Mais je pense quand on voit ses œuvres. Elle aime le faire aussi. Je pense que le geste du faire est... Je ne sais pas s'il est plus important que la finalité, mais la finalité n'est jamais finie parce que c'est des sculptures qui pourraient continuer. Comme on parlait des rideaux, le rideau, quand est-ce qu'elle a arrêté? Elle a arrêté parce que ça rentrait plus dans la vitrine, là, c'est ça. Ouais. Mais sinon, c'est des pièces qui pourraient sans cesse continuer. Et puis, une dernière chose, elle parlait de quelque chose de super intéressant. Elle disait qu'elle comparait beaucoup ce concept-là au... Ouroboros, excusez mon grec, et puis c'est le symbole de l'infini, puis l'ouroboros, c'est en fait, quand on le voit, c'est un serpent ou un dragon qui se mange la queue, donc c'est quelque chose qui est répété sans cesse. Ben, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Anouk, une belle exposition qui est chez Materia. Et c'est elle-même qui a fait l'installation. Hein. Je m'informais, là, je me demandais s'il y avait quelqu'un qui avait fait la mise en scène. C'est toute elle qui a fait la mise en scène de ça. Alors, c'est donc chez Materia jusqu'au... Attendez que 16 décembre. Jusqu'au 16 décembre. Exactement, ça vient tout juste de commencer, le vernissage, c'était vendredi. Ben merci à nous. Merci beaucoup. À une prochaine. On s'en va en pause audio, toujours avec nos amis que Simon Roy nous a choisis. Voici une pièce qui s'intitule « Cupcakes ». As a mother, I never donned a gingham apron and baked cupcakes. I didn't lead the little camp girl groups or get involved in those little kitty carpool things. Cupcakes. Cupcakes. Samuel Breton, bonsoir. Bonsoir. Samuel Breton, étudiant à la maîtrise à l'Université Laval, qui expose actuellement à la Galerie des arts visuels, avec un autre collègue, Patrick Sternon. Exact. Une exposition qui est là jusqu'au 18 novembre et qui n'a pas de titre, mais nous, on va parler de ton travail à toi. Parfait. Nous, on s'est rencontrés lors des Journées de la culture, le roulement à billes. Oui, les ateliers du roulement à billes. Étaient ouverts et on est allé faire un tour, puis on s'est rencontrés là. Et il y avait, entre autres, dans ton coin, il y avait une veste. Puis tu nous as dit, cette veste-là, elle va se retrouver dans une exposition que je vais faire dans une couple de semaines. En effet. Et par pur hasard, je suis retourné à Galerie des arts visuels la semaine dernière et j'ai vu une gigantesque tapisserie. Appelons ça une tapisserie. Une tapisserie vivante. Tapisserie vivante dans laquelle on retrouve le fameux veston, mais non pas une seule fois, mais plusieurs fois. Puis on le retrouve aussi découpé. Enfin, bref, toute une œuvre qui m'a frappé au départ. Parce que t'es probablement, quand on parle des techniques mixtes souvent, quand on voit un bas de vignette. Oui, technique mixte, ça me représente très bien, en effet. Samuel Breton, là-dedans, il y a du collage, il y a du dessin, il y a de la sérigraphie, il y a de la peinture, il y a de la vidéo, il y a de l'animation. C'est un travail colossal, là, en fait, il y a trois œuvres. Oui. Il y a celle-ci, dont j'ai oublié le titre. Blouson d'artiste. Blouson d'artiste, mais oui. Ensuite, il y a Le Lion, la veuve et Truman, qui se trouve à être une toile écran, une peinture sur laquelle je projette une animation de lumière. Et la troisième œuvre, c'est Doublure générale. Donc, cette fois, encore une fois, il y a une projection qui va par-dessus la toile. Et celle-là aborde le cinéma, tout particulièrement. Mais dans les trois cas, on est toujours dans les techniques mixtes. Il n'y a jamais juste une chose. Il n'y a jamais juste une projection. Il y a toujours une projection puis quelque chose d'autre. Exact. Mais c'est la rencontre entre l'image fixe c'est l'image animée. Mm-hmm. L'idée première, c'est d'avoir une image qui est présente et j'y superpose une image animée. Je viens du dessin animé, j'ai fait des courts-métrages d'animation et je me suis demandé de quelle manière je pourrais réutiliser un peu mon savoir de dessin animé pour créer des œuvres qui sortent de leur fixité. Mm-hmm. Tout d'un coup, l'œuvre devient vivante. Tout d'un coup, on a une lecture qui est dynamisée. Une lumière, que ce soit par un élément qui devient luminescent, presque virtuel, ou dans le cas de blouson d'artiste avec le blouson de cuir, on voit des mains sortir du blouson. Des mains qui claquent. Bon, c'est là qu'il faut parler de ses secrets. Dans le fond, si j'explique exactement ce quoi fait les mains, c'est un mouvement répétitif, mm-hmm. inlassable, répété des centaines de fois. Ça pourrait être une prière du rosaire. C'est en boucle, cette chose-là. Exactement. Hein? C'est une boucle très rapide, peut-être de 4-5 secondes, mm-hmm. et elle joue inlassablement. Ah, c'est vrai, c'est la question du rosaire. J'avais pas vu, mais là, je le vois très bien. L'égrenement du chapelet. Du chapelet. Ah, ça, c'est vrai que ça ressemble à ça. Il y a ça, un peu juste... un côté oui. obsessif. Ah, oui. Pour certains, c'est la maladie mentale ou peut-être le stress. La personne qui répète toujours le même mouvement un peu maladivement, si on veut. Puis, il y a quelque chose d'obsessif aussi dans ce travail-là. Tout à fait. Le nombre, mmh. l'ajustement. Il y a une projection qui est faite là. Moi, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec le préposé à l'accueil. Puis, j'ai dit, ça doit être quelque chose à faire partir ça là quand vous ouvrez l'exposition. Pour eux, ça nous prend une dizaine de minutes avant de l'ajuster. Oui, mais pour eux, c'est le travail est pré-mâché. Là, mmh. On s'entend, il y a peut-être un petit ajustement à faire. Le grand ajustement, c'est que dans le fond... C'est le départ. Là. C'est le départ. Moi, chaque manteau a été sérigraphié. Mm-hmm. Donc, cette sérigraphie-là du manteau qui est grandeur nature, si on mm-hmm. veut, oui. qui était suspendu sur un clou, on le voit de dos, le manteau, et il est clairement vide. Et on y voit les mains qui dépassent, qui sont animées. Mais ce manteau-là, sérigraphié, est réellement sur le mur. Mm-hmm. Et finalement, quand on bouche le faisceau lumineux de la projection, on voit qu'il reste quelque chose au mur. La magie opère là. Ça pourrait mm-hmm. être seulement une projection. Ça pourrait seulement être un vidéo qu'on voit. Mais non, il y a quelque chose de vraiment présent. Mm-hmm. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que ça magnifie... La projection par-dessus une sérigraphie semble magnifier la sérigraphie. Mm-hmm. Il y a comme une espèce de jeu de présence puis d'absence dans ce travail-là. Tout à fait. Et l'œuvre du lion, de la veuve et de Truman, exact. En plus d'avoir... Et là, moi, j'avais pas réalisé qu'il y avait une projection. Mm-mm. Et vous savez qu'il arrive souvent qu'il y a des chefs-d'œuvre, les gens passent devant un chef-d'œuvre en l'espace de 5 secondes, ils sont passés. Hein, là, ils ont vu, il y avait souvent des gens qui font le tour des expos. Et quelqu'un qui fait ça face à ton travail, il vient de passer à côté de... Parce que, à un moment donné, quand on est attentif à l'œuvre, tout d'un coup, oups, on voit le lion changer de couleur. Une lente variation de lumière. Ouais. Tout d'un coup, le visage devient lumineux. Et là, la lumière vient à passer autour de son visage. Mm. Comme s'il y avait... une lumière que je bougeais dans l'espace et que le lion finalement devient une genre de statue 3D. Mm. Et finalement, ça parle de la référence réelle de cette image-là du lion, la veuve et Truman. Mm-hmm. Le lion est réellement issu d'une statue. Mm. C'est l'image d'une statue qui m'a inspiré. Et j'ai dessiné la statue. Puis en arrière, j'ai peint. Puis il y a de la peinture, mais il y a aussi une bande audio. Exact. Le Truman en question, c'est l'ancien président des États-Unis en 1945 qui parle de démocratie, puis qui parle de communisme, puis qui parle de catholicisme. On a l'impression d'entendre George Bush. On a l'impression qu'on est dans la même dynamique, dans le même Exactement. Type de pensée. Le son fait réellement passer. Mm. On sait que c'est une vieille image. On sait que c'est un vieux président. On est dans une image du passé. C'est une image historique. Pourtant, moi, ce que j'ai réalisé en faisant... l'œuvre, en collant une mm-hmm. piste audio sur l'œuvre, c'est que ce dont il parle, Truman, est tout à fait actuel. Ben oui. Tout d'un coup, là, il nous parle encore de démocratie. Encore, il y a encore des méchants, il y a encore des bons. Il y a encore nous et eux. Mm. L'autre, la personne du mauvais côté. L'étranger. Mm. Exact. Non, c'est une œuvre qui parle beaucoup. Puis la veuve, tu sais, en fait, c'est une vieille dame. On pense pas qu'elle est veuve, mais ses enfants sont peut-être morts à la guerre. On est en 45. En effet. Le lion, Truman, c'était un membre du Club des Lions. Ah. Oui. Ben moi, c'est bon à savoir. C'était le premier président états-unien à être... à venir du Club des Lions. Ah, ouais. Ouais. Donc, c'est... Vous voyez, un détail que j'ai jamais vu, moi. Je pensais qu'il y avait un lien avec ça. Mais c'est excellent. Ça tombe bien. Ça tombe bien. L'histoire est présente dans ton œuvre aussi, parce que là, si on s'en va de l'autre côté, sur l'autre œuvre qui doublure fait générale. Référence au doublage au cinéma. Entre autres. Mais c'est toujours le passé. On est dans à peu près les années 60, 60, oui. 50, 60 à peu près. Pour doublure générale, plus particulièrement les années 60. Okay. Là, je m'inspire de Godard avec Vivre sa vie, mm-hmm. un film de Sergio Leone, et même celui de Sergio Leone, je suis pas sûr, peut-être que ça frôle le 70. Oui. Et donc, on est vraiment, oui, en effet, dans des images du passé. Le passé qui ressort toujours dans mes œuvres. Ben oui, c'est ça. Est-ce que c'est le passé ou c'est l'histoire qui t'intéresse? Très certainement les deux. Est-ce que c'est le fait que, par exemple, on n'a pas changé 40 ans ou entre plus autres, tard? Hein? Entre autres. Pourtant, il y a certainement un constat qui est similaire mm-hmm. à ça. Je remarque juste la mode vestimentaire. J'ai un intérêt toujours présent pour la mode vestimentaire, et dans les films, on en voit une quantité phénoménale. Et ça m'intéresse de dessiner cette mode mm-hmm. vestimentaire-là. Et... ce que je remarque à coup sûr, c'est que cette mode-là est encore présente aujourd'hui. Oui. Je veux juste dire une chose. Oui. Je veux saluer. Il y a un cahier, en fait... qui complémente l'exposition. L'exposition et qui est extrêmement original. On peut se le procurer à la galerie pour 30$. Et c'est une œuvre en soi. Oui. C'est une œuvre d'art. C'est un beau produit dérivé. Moi, j'aime ça qu'on parle de produits dérivés. Merci. Et moi, je me suis procuré. Puis c'est fascinant. On a toutes tes notes, toute ta réflexion sur ton projet. Donc, on peut aller au-delà de l'exposition. Exact. C'est une excellente initiative Parce que dans le fond, je suis un artiste du dessin. Hein. Je suis vraiment un artiste qui a un carnet de croquis et d'animation. Voilà. Et finalement, mes œuvres prennent forme d'abord dans le carnet de croquis. Ce carnet de croquis-là est inséparable pour moi dans ma production. Rose, une période. Un peu un petit jeu de mots sur la période rose de Picasso, mais ça donne. Que... Puis par Breton, mais ça peut être un surréaliste aussi. Hein? Tout à fait. Il y a un côté surréaliste au truc. Ouais. Ben, merci beaucoup, Samuel. Ça me fait plaisir. Puis félicitations. Je veux saluer Lisanne Nadeau, qui probablement c'est elle qui vous a choisi, toi et Patrick. Ah ouais. Très privilégié d'avoir cette directrice-là à la Galerie des Arts Visuels. C'est une exposition qui vous mérite le détour. Vous allez être ébloui. Puis on aurait pu parler du travail de Patrick aussi, de la belle grande peinture. Aussi. On est dans des œuvres de grande dimension, puis avec beaucoup de sens. Merci beaucoup. Merci à vous. On s'en va en pause audio. Et au retour, on va s'en aller vers la fin de l'émission. Wake up, Charlie. What? Bad dreams, Charlie? Was it about that girl? Was it about your mother? Ah, your mother, Charlie, wasn't it? Bet she was a pretty girl. Where is she? Alors, on est rendu vers la fin de l'émission beaucoup. Puis on est rendu. J'ai perdu moi l'habitude d'avoir des courts micros et tout ça. Vous savez que j'anime une autre émission qui s'appelle La Croche-Oreille, que vous pouvez entendre le dimanche soir. Une émission qui porte sur l'art audio. Donc, on fait des longues entrevues, on reçoit un artiste par émission, puis on placote à peu près une vingtaine de minutes, puis on fait jouer de l'art audio. Calendrier. Demain, il y a un gros événement à Québec, demain au Musée national des Beaux-Arts. Nous, la presse, on est invité en avant-midi, mais il y a un 5 à 7 qui est offert par le musée, où il y aura dévoilement d'inauguration de l'œuvre de l'exposition de Stéphane Gillot, La cité performative. Il y aura aussi inauguration de l'exposition actuelle, nouvelle acquisition, œuvre de la collection permanente et de la collection de prêts d'œuvres d'art. Donc, des artistes qui font partie de la collection du Québec, du musée, et d'autres qui font partie de la collection prêts d'œuvres d'art. Et il y aura tout ce beau monde-là qui va être là demain soir. Mathieu Beauséjour, Dan Brault, évidemment Stéphane Gillot, BGL, Renaud Salvaille. Écoutez, donc c'est demain de 5 à 7 au Musée national des Beaux-Arts. Puisqu'on est au Musée national des Beaux-Arts, il y a tous les samedis et les dimanches jusqu'au 25 novembre, 3 ateliers par jour autour de l'exposition Art et Nature au Moyen Âge, un atelier qui s'intitule Bestiaire médiéval, qui est ouvert aux parents et aux enfants qui vont peindre une œuvre sur une plaque de céramique qu'ils pourront faire cuire par la suite lorsqu'ils arriveront à la maison dans le four familial. Ils pourront donc, l'œuvre va se révéler chez eux dans le four. C'est donc tous les samedis et dimanches à 13h, 14h15 et 15h30. C'est 3$ par personne. Une artiste qu'on voit pas souvent à Québec, Magali Babin, qui va inaugurer vendredi au cercle, une installation sonore à partir de l'expérience qu'elle a vécue. Elle a fait des captations dans le fleuve sonore à 7 endroits bien précis avec un certain protocole. Et tout ça donne une œuvre audio que vous pourrez entendre dans le sous-sol du cercle. Il y a aussi une nouvelle œuvre d'art publique qui a été dévoilée aujourd'hui à 16h30. Alors, cette œuvre d'art-là, elle est d'Hélène Rochette et elle est dans le secteur des rivières. Puisqu'il est question d'œuvres d'art et d'art public, on va suivre pour vous comment ça va se passer, l'idée de la politique du 1% que la Ville de Québec veut se doter au cours des prochaines années. On sait ce qui est arrivé avec Jean-Robert Drouillard. J'espère que cette politique-là va être vraiment ouverte à toutes les formes d'art. Allez, écoutez, on est déjà rendu à la fin. Je remercie Jacques Gignac à la mise en onde. Et on se laisse avec Gilles Chaumel et son émission Folk Amérique. Et moi, je vous reviens la semaine prochaine. Bye-bye.